Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. François Landry nous parle d'actualité politique. Sébastien Dulude nous fait ses suggestions de sorties culturelles alternatives. Et c'est Assemblage Rocky tout de suite. Et bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky avec Kiwan et Mathieu. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Kiwan. Salut, Matt. Salut, Ki. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, je suis fatigué un petit peu aujourd'hui. Je me suis couché tard hier. On a passé une très belle soirée ensemble. Ouais, au Gambrinus, là, ouais, ça. Je tiens à le dire. On va t'aller voir Pépé et sa guitare. On en parlera un petit peu plus tard. Mais avant ça, commençons en musique tout de suite, Drella. Oui, avec un artiste, un groupe qui est sur le palmarès. Mais on va écouter une pièce qui n'allait pas assez. La pièce L'éponge de la pâte à rose. Vous êtes à Assemblage Rocky jusqu'à 17h. L'escalier dedans, la pièce, il me transporte, il me déporte, il me transporte. Planté là, les yeux gros comme des deux pierres, je suis à risque de faire une crise. Je plonge la tête, la première. Je suis une éponge qui absorbe la matière. Une éponge qui absorbe. Los Campesinos, c'est une pièce de leur album Hold On Now, Youngster. Il s'appelle Death to Los Campesinos. Vétéran des palmarès, les Los Campesinos. Oui, c'est très bon, Los Campesinos. Miam, miam, miam. Je suis comme rempli, là. Plein, t'en as assez de Los Campesinos? Jamais assez, par contre. Non. Non, c'est comme du fudge. Ah... Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Yvan et Mathieu. Et ce qui s'en vient plus tard, on l'a pas dit en détail tantôt, mais on va recevoir François Landry pour sa chronique politique un petit peu plus tard à l'émission. Oui, aussi Sébastien Duloup devait nous faire ses suggestions de sorties culturelles alternatives. Des choses dont vous avez sûrement pas entendu parler, là. C'est pas des choses mainstream, comme on dit. Non, on va venir nous apprendre des trucs. Aussi, aujourd'hui à l'émission, on a des cadeaux à faire tirer. Des cadeaux, oui, parce qu'il y a un groupe qui va être en prestation ici à Trois-Rivières très bientôt, un groupe montréalais qui s'appelle The Shifters. Oui, ils vont être en spectacle vendredi prochain, le 11 septembre, à l'Appart, ici à Trois-Rivières, à la galerie L'Appart. Et puis, on va avoir des billets à vous offrir. Et on va vous en faire jouer un peu, The Shifters, tout à l'heure dans l'émission. Oui. Mais pour l'instant, continuons ça. Tantôt, dans le prochain bloc, il va y avoir la chronique CNX, c'est la chronique technologique. Hein? Oui, dans à peu près 10 minutes. Mais avant ça, on va entendre Antoine Gratton, Tony Gratton. Tony Gratton. Gratton, excuse-moi, l'accent, c'était pas sur la bonne note. Gratton. Gratton. Voici 500 000 milles. C'est un assemblage requis. Jusqu'à 17h. Comme toutes les actrices blondes et films américaines dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour, ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans ma face et tu m'as dit oui quand je t'ai demandé si. Puis t'es parti sans me dire où tu t'es enfui pendant que j'étais sous. assemblage requis jusqu'à 17h. Hey Rosetta avec la pièce There's an Ark, c'est extrait de leur album Into Your Lungs, un album qui est en nomination pour le concours Polaris Musique 2009 qui est rattaché à une bourse de 20 000 $. Vous pouvez aller faire un tour au www.polarismusicprize.ca pour avoir la liste des finalistes et puis tous les renseignements sur ce concours. .ca. Voilà. Ça te rappelle-tu quelque chose, cette chanson-là? Oui, c'est le thème de CNX. Oui, que voici tout de suite. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de gadgets intéressants ou complètement stupides que j'ai vu sur Internet cette semaine. C'est une chose niaiseuse là-dedans, ça va. Oui, quoi donc? Commençons par quelque chose de particulièrement stupide, selon moi, mais il y a des gens que ça va intéresser, c'est certain. Si vous passez beaucoup de temps sur votre portable, peut-être que vous êtes habitué à votre clavier, la position des touches de votre peut-être ThinkPad, mettons, comme une sorte de clavier. Eh bien, justement, la compagnie qui fabrique le ThinkPad, en fait, ça s'appelle le ThinkPad USB Keyboard. C'est pas le premier de son genre, mais quand même, la compagnie Lenovo a travaillé avec ses clients par des sondages pour créer un meilleur clavier. Et le résultat, c'est exactement le clavier d'un portable comme dans leur série T400. Et ils ont essayé de faire un clavier qui ressemble le plus possible à ce clavier-là de portable. Et c'est vraiment comme un dessous de portable, comme si tu traînais ça, puis ça se branche, puis ça devient ton clavier. C'est quand même pas pire, ça coûte 59 $. Par contre, pour réussir à se rendre à ce prix-là, ils ont enlevé le trackpad, la chose pour la souris, parce que bon, normalement, tu peux avoir une souris si c'est ton ordi de bureau, hein, c'est pas un portable non plus. Donc, ils ont enlevé le trackpad, ils ont enlevé les chiffres sur le côté et quelques autres petites affaires comme ça. 59 $, comme je le disais, c'est via Everything USB. L'idée, je suis pas certain. T'aimais ça? Ouais, moi non plus. Disons que j'aime mieux un clavier avec beaucoup de touches et plus d'espace pour taper. Mais il y en a qui sont vraiment accro à leur clavier de portable, donc ça pourrait... Fait que c'est comme de s'habituer à la version qu'on a dû couper, tu sais, puis que normalement, il faudrait plutôt s'habituer à notre version de portable puis faire avec, mais non, les gens qui veulent vraiment s'adapter à ça puis l'avoir partout, là. Exactement. Ça. Comme moi, tu sais, j'ai toujours ma souris à côté de mon portable parce que je suis pas capable d'un trackpad, j'aime pas ça. Ben, il y a des gens que c'est la même affaire, mais pour leur clavier, il faut leur clavier de portable. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement une souris de portable, un trackpad sur un ordinateur de bureau? Le pire, c'est que ça peut quasiment se faire déjà avec une application iPhone que j'ai vue. T'as sur ton iPhone un petit trackpad, là, ben, t'es comme, je sais pas, c'est nul. Bref, hey, t'sais, ils réussissent à vendre des claviers avec juste les chiffres, juste le number, le numpad, là, tout seul en USB, j'ai vu ça. Pourquoi avoir ça, je sais pas. Mais bon, il y en a qui aiment ça. Ensuite, tiens, un gadget pour vous dire si vous êtes en train de vous d'être mal assis sur votre chaise d'ordinateur, t'sais. Tu sais, des fois, t'as ton professeur qui va dire « redresse-toi » ou t'as tes parents qui n'avaient pas de ta chalet. « Hey, assieds-toi comme il faut. » Une mauvaise posture, ça peut mener à des problèmes de dos et de cou. Ça, je le sais. Tout le monde le sait. Je pense que c'est de notre génération d'avoir des problèmes de cou et de dos. Et c'est difficile, des fois, de se rappeler soi-même de se mettre en bonne position. Donc, le USB Posture Alert Reminder, hein, un nom très, très catchy. Utilise des senseurs ultrasoniques pour détecter votre position et votre distance de l'écran, ce qui vous permet de voir si vous êtes en train de vous pencher la tête ou n'importe quoi. Comme peut-être que maintenant, si je suis en train de lire sur mon portable en me penchant, ben, il y aurait une belle petite alarme. Ça coûte 24 $, c'est un gadget USB. Ça peut valoir la peine pour certaines personnes. Mais là, juste un peu de bon sens aussi, ça peut valoir la peine. Sinon, après ça, le cas, le prochain gadget, ça va être pour nous dire qu'on a envie d'aller aux toilettes. Sinon, parce que moi, tu vois, moi, ça m'arrive des fois. Quand je trouve mon ordinateur, j'oublie ça, puis hop, un accident. Si vite arrivé. Non, mais tu dessus, ça que tu veux dire. Non, mais tu sais. C'est beau. Si on extrapole, là, puis on se demande jusqu'où un gadget peut nous dire de vivre, là, tu sais, puis juste nous dire qu'est-ce qu'il faut faire logiquement, là. Ouais, c'est ça, parce que si je voulais savoir si je suis dans une mauvaise position, je retournerais chez mes parents, comme on dirait. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça. Tu sais, une petite tape dans le dos par soi-même, des fois, ou un petit post-it sur le coin de ton écran, genre, reste pas comme il faut, peut faire la même job que ce gadget-là. Hein. Ben oui, tu sais, je pense que oui. Bon. Est-ce que t'es le genre de personne qui a des post-it partout sur son écran d'ordinateur, justement? Non, pas vraiment. Moi non plus, vraiment pas à mes affaires là-dedans du tout. Au lieu de mettre votre liste d'épicerie sur votre ordinateur, ben pourquoi pas la mettre sur votre tapis de souris? C'est un concept. C'est le Quirky's Scratch and Roll. Hein? Au lieu d'avoir une image sur votre tapis de souris comme Mickey Mouse, chose genre. La compagnie a changé ça et a mis un beau petit tableau sur lequel on peut écrire avec un crayon qui est inclus. Et là, tu peux l'effacer en levant une petite feuille recouvrement de plastique comme les nos jeux pour enfants que tu peux enlever le dessin en soulevant une petite feuille. C'est un peu le même concept. Le stylus vient avec, comme je disais, les critiques sont bonnes. Gadget Lab a bien aimé, une idée très simple et utile qu'ils disent. Une seule chose par contre qui pourrait vous empêcher d'acheter le Scratch and Roll, hein, c'est que la plupart des gens aujourd'hui n'utilisent pas de tapis. La preuve, les souris à laser, les souris optiques, tapis plus très utile, ça. Ouais. Mais bon. Sauf qu'en même temps, si t'as besoin d'un endroit pour prendre des notes, ben là au moins tu peux le mettre en dessous de ta souris, ça prend moins d'espace. Ah. S'il faut absolument que t'aies un carnet ou quelque chose pour prendre des notes, ben tu veux réduire l'espace que ça prend. Bon. Ouais. À la limite. Là, à la limite. Comme on dit, à la limite. Est-ce que t'aimes Tetris? Non. Pas tant. D'accord, ben si vous l'êtes, moi en tout cas je le suis, fan de Tetris. Si vous êtes fan du jeu old school comme ça, mais que vous êtes tanné de jouer avec une console de jeux vidéo ou un ordinateur, eh bien il y a Toppling Tetra Cubes, hein, qui va amener le Tetris dans la troisième dimension, disent-ils. On empile les cubes de couleur que le jeu spécifie de mettre à l'endroit, tu sais, où il faut le mettre, là. Il te dit quoi faire, avant que le timer arrive à zéro et la tour commence à trembler. Et si tu te rends pas, en tout cas, si t'as pas l'objectif, à un moment donné, ça va s'écrouler à la fin du décompte. C'est comme un jeu de Tetris dans la vraie vie, t'sais. C'est cool quand même. Je trouve que c'est un bon petit jeu pour les enfants. Mm-hmm. Les enfants, Tetris en 3D. Sinon, tiens, en Argentine, une équipe de design qui s'appelle BCK, ils ont un nouveau concept qui s'appelle le Color Ring. Hein? C'est pour, à la place d'avoir un Bluetooth, tu mets une bague dans le pouce et une bague dans le petit doigt et tu fais le signe de téléphone. Tu peux directement te le mettre sur l'oreille. Il y en a un qui est un micro, l'autre qui est un écouteur. Et en plus, quand tu veux raccrocher, tu rapproches tes doigts à l'intérieur de ta main et ça raccroche. C'est donc moins drôle, ça, j'en veux. C'est absolument génial. Donc, allez voir ça, allez voir l'article pour avoir des photos et pour savoir comment vous procurer ça. En fait, je pense pas que vous puissiez vous le procurer en ce moment. C'est un concept, mais ça va venir, c'est certain. Ben oui, fait que là, un jour, on va voir du monde qui se promène avec leurs mains comme ça puis leurs doigts. Ben, ils vont vraiment parler au téléphone. Je trouve ça super drôle. Déjà que les gens ont l'air super épais juste avec un Bluetooth à l'épicerie, c'est parce que tu peux l'enlever aussi à un moment donné. Ils vont parler dans leurs mains, tu sais, c'est drôle. La compagnie Daewon a annoncé que l'entreprise allait présenter le Biologic Free Charge à une exposition qui s'appelle l'Eurobike dans le mois de septembre. C'est un dispositif qui permet de recharger n'importe quel type de petit appareil numérique en les connectant à une dynamo installée sur une bicyclette qui est éteinte. Génératrice de courant, l'utilisateur va pouvoir recharger les batteries de son iPod ou n'importe quel autre appareil en le connectant au Biologic Free Charge par port USB. Lorsque le cycliste va pédaler, le dynamo installé sur la bicyclette va produire de l'énergie. Le dispositif doit servir d'intermédiaire entre le moyeu de la dynamo et l'appareil électronique pour protéger ce dernier. Génial. Wow, cool. Le prix, ça dit qu'il va être... Ils prévoient intégrer le Biologic Free Charge à deux modèles de bicyclettes. Il va être aussi vendu séparément en mars 2010 pour environ 108 $ canadiens. Pas si pire. Ouais. C'est nouveau, là, fait que c'est cher un peu, mais si ça devient populaire, ça va être moins cher un jour. Comme les Blu-ray, comme toutes les technologies. Tout, voilà, ouais. Non, mais il était temps que ça arrive, par exemple, recharger des gadgets. C'est tout à fait logique. Et sur assemblagerequis.com, je vais vous avoir laissé d'autres petits liens. Par exemple, des billes, ça s'appelle les Buckyballs. On voit ça sur Internet depuis quelques mois, mais là, vous pouvez les acheter. C'est comme un genre de jouet avec des billes qui collent ensemble et tu peux faire des formes avec, mais ça a l'air vraiment bizarre. Allez voir la vidéo, c'est dur à expliquer à la radio, mais c'est des billes qui peuvent coller ensemble dans différentes formes. C'est spécial. Allez voir ça sur assemblagerequis.com et c'était la chronique CNX pour aujourd'hui. Bien. Voilà, donc c'est une autre partie de chronique qui va se retrouver lundi prochain. Dans CNX.zip, très bien dit. Et voilà. C'est les lundis matins à 10h et il y a toujours une chronique CNX du lundi au jeudi à 15h. Plus tard dans l'émission, on va recevoir François Landry. Oui, et Sébastien Dulude aussi. Ils seront tous les deux là. Un parlera de politique, entre autres les publicités au fédéral qui ont commencé à circuler. Ça, c'est du côté de François Landry. Et Sébastien, ça va être des sorties alternatives culturelles ou culturelles alternatives. Mais c'est sorti. C'est selon. Oui. Bon. Lâchons. Et allons entendre un petit peu de musique pour nous divertir. Oui, on va écouter Damien Robitaille avec la pièce titre de son nouvel album qui est disponible depuis hier. On l'a écouté hier, cette pièce-là, elle est très bonne. Donc, on l'écoute encore aujourd'hui parce qu'on aime beaucoup L'homme autonome. De Damien Robitaille. Assemblage Rock. 89.1 FM. Montons sérieux encore, je la ramène souvent. Hein? Tout, tout, tout, tout.

La formation des incendiaires, Assemblage requis, hein? C'est vite de même, c'est à peu près ce qu'on a entendu. Hein? Non, c'était Still non? Fun des Cut of fun. Your Hands. Tu vois, le gars dit n'importe quoi. T'étais proche. C'était ça. Mais par contre, on sait que la pièce était Still Fun French version. Oui, c'était la version française, même si ça paraît pas vraiment, parce qu'il y a quand même un accent assez prononcé. Mais oui, c'est vraiment en français. Bon. C'est important de le dire. Oui, parce que tout le titre et le nom du groupe est en anglais, fait que ça porte à confusion. Tout est en anglais, puis même premier coup d'oreille, là, ça peut sembler anglo, mais non, c'était franco. C'est une expression qu'on devrait utiliser plus souvent, un coup d'oreille. Le coup d'oreille, ouais, on n'en donne pas assez d'ailleurs. C'est vrai. Un petit peu plus tard, on va vous parler du spectacle de Pépé qu'on est allé voir hier, toi et moi, Mathieu. Oui. On a eu beaucoup de plaisir hier, on vous en parlera. Oui, c'est très bon, on va avoir d'ailleurs une pièce de Pépé dans le prochain bloc. Mais tout de suite, on va écouter Joel Plaskett, un artiste de Halifax, de la Nouvelle-Écosse. Commence pas à faire comme moi, puis dis n'importe quoi. Avec Ellen Pidon, c'est vrai. Je peux même te dire qu'on va écouter la pièce Drifter's Rouse de Joel Plaskett. On écoute ça tout de suite à Assemblage requis. De quelle ville il vient? Halifax, je pense, ouais. Pas mal celui. Quelle rue? La Nouvelle-Écosse, assurément, mais je vais appeler sa mère puis on s'en reparle. Okay. À ce que je sache, elle leur a jamais rien donné. Et si tu juges trop souvent, y a un stress qui te gruge. Par en dedans, je me prends pas pour un apôtre qui cherche une solution au problème. Quand on est dur envers les autres, on l'est encore plus envers soi-même. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette phrase-là a bien du sens quand on prend bien le temps d'y penser. Quand on prend bien le temps d'y penser. Je vois du monde pas heureux qui sait pas ce qu'il veut. Je vois du monde peureux qui trouve ça cool d'être chialeux. Moi je trouve que le mieux c'est de jamais être haineux. Je préfère être niaiseux que de me prendre au sérieux. Le problème c'est qu'on se crée des faux problèmes pour oublier nos vrais problèmes. On se ment à soi-même, on oublie de se dire qu'on s'aime. On oublie de se dire qu'on s'aime, on oublie de se dire qu'on s'aime. On perd le sens de l'importance, de moins en moins le goût de l'excellence. Des nuits je me dis que j'étais mon ami Bobby, celui qui dit don't worry, be happy. La vie finie, toujours par arranger les choses. C'est vraiment maudit, peu importe la cause. Prends une pause, prends une dose. Si tu oses, écoute ce que la vie te propose. Y'a juste toi qui peux la rendre rose. Ça fait que mon chum fait quelque chose. Ça fait que mon chum fait quelque chose. Pépé avec ton solo de bouche. Oui, il fait des super bons solos de bouche. Pépé, c'est la pièce Fait quelque chose qu'on a entendu, la pièce titre de son deuxième album. C'est vraiment le roi des solos de bouche. Vraiment, le... Pas capable, moi. Du tout. Non, il s'arrange vraiment avec pas grand-chose en spectacle pour faire beaucoup, hein. Ouais. Juste lui, sa guitare, tu sais, formule chansonnier, vraiment, mais c'est beaucoup plus qu'un show de chansonnier, juste avec tout... avec les solos de bouche, les ukulélés, avec ses petites séances de danse aussi. Vraiment un très bon spectacle. Ces petites histoires. Ouais, c'est ça. Donc, pour commencer par le début, on est allé voir au Gambrinus hier le spectacle de Pépé et sa guitare. C'était très, très le fun. Oui, il y avait beaucoup de monde. Hein, le Gambrinus, c'était pas mal plein hier. Pas mal plein, même qu'il a fallu qu'on se réserve des places assez tôt dans la soirée. Là. Donc, quand on dit ça des fois, là, ici, assez fou, pourquoi êtes-vous d'avance parce que ça risque de se remplir? Ben, c'est comme ça. Ouais, au Gambrinus, c'est souvent le cas. Il y a quand même souvent beaucoup de succès pour les spectacles du Gambrinus. Je sais qu'il y a certains endroits à Trois-Rivières où souvent pas grand monde. On sait pas trop pourquoi, mais bon, la promo est quand même assez bonne du côté du Gambrinus. Puis ça marchait hier. Pour Pépé, il y avait beaucoup de monde. Exactement. Donc, il a joué pas mal de pièces de l'album qu'on vient d'entendre, Fait quelque chose. Des pièces de son album 100% Bœuf aussi. Mais aussi, il a fait quelques classiques, tu sais. Ouais, il a fait aussi des vieilles tunes de son premier album. Là. Et ça, le monde aimait ça. Le monde a vraiment bien répondu, je trouvais, dans la salle. Ouais, le public qui était là connaissait vraiment Pépé. Là. C'était pas du monde qui venait découvrir. Il y en avait quelques-uns. Il a demandé si c'était des gens qui allaient. C'était la première fois qu'il allait le voir. Il y en avait quelques-uns, mais c'était beaucoup d'habitués qui connaissaient les paroles, qui connaissaient. On les voyait chanter par-dessus ou bouger leurs lèvres. Ça, c'est le fun quand tu arrives à un spectacle et t'es pas tout seul à connaître les chansons. T'sais. Ouais. Des fois, tu te sens stupide un peu de connaître ça, tu sais. Ouais. Il a fait ce qui m'a marqué, une pièce, un classique qui est un jingle pour un dépanneur de la ville d'où il vient. Il a chanté sa petite chanson qu'il avait écrit à ce dépanneur-là parce qu'il racontait l'histoire qu'il faisait des spectacles sur un stage fait de caisses de bière. Au Deb la Rive. Ouais, c'est ça exactement, Deb la Rive. Puis là, ben, il a écrit une chanson là-dessus, là, puis c'était bien le fun. C'est cool. Ouais, c'est vraiment le fun, là. Les petites histoires qu'il raconte, c'est plus que juste aller écouter les pièces de l'album. Puis de toute façon, les versions qu'il fait sont différentes vu qu'il est seul avec sa guitare, donc ouais, vraiment super intéressant. Puis c'est impressionnant comment il est capable de faire plusieurs, peut-être pas instruments, mais tu sais, plusieurs parties qui étaient dans l'album, puis il reproduit bien sur scène, ça. Ouais, justement, avec sa bouche, il fait des sons de bouche. Les petits choristes en s'éloignant du micro de même. Ouais, c'est fun. Mais vraiment aussi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est vraiment un excellent musicien. Puis je l'ai remarqué quand il était ici hier. Il était de passage dans les studios ici pour une prestation avec son ukulélé. Et aussi, je l'avais déjà vu en spectacle ici à l'UQTR. Puis vraiment, c'est tout qu'un musicien parce que on pourrait penser seulement guitare sèche comme ça, une guitare acoustique avec lui qui chante. Ça pourrait ressembler, là, comme je l'ai dit tantôt, à la formule chansonnier. Là, mais vraiment tout qu'un musicien. Là, les harmonies qu'il fait avec sa guitare, c'est impressionnant. On dirait qu'il y a, des fois, on dirait qu'il y a deux guitares qui jouent, mais il est tout seul, ouais. Il y a juste lui. Là. C'est vraiment un très, très bon musicien. On l'aime beaucoup, ce Pip. Oui, et on l'aime beaucoup. On parlait de l'entrevue qu'on a fait hier avec lui. Elle est en ce moment même sur cifou.ca, donc allez-y. Dans la section balado diffusion. Listen to it! Bon. C'était Pépé sa guitare qui était au Gambrinus hier. Plus tard dans l'émission, Assemblage Requis qui est avec vous jusqu'à 17h avec nous, Q1 et Mathieu. On va recevoir Sébastien Dulude avec ses sorties culturelles alternatives plus tard. Oui, et bientôt, on vous donne des billets pour The Shifters. Oui, on va vous en faire entendre, je pense, même dans ce bloc. Ouais, c'est ça. On va vous en faire écouter là, dans quelques minutes, parce que, justement, peut-être vous connaissez pas le groupe. Nous, en fait, pour être bien honnête, on le connaît pas tant non plus, parce que c'est un groupe qui vient pas de Trois-Rivières. C'est un groupe qui est pas très connu. Mais on vous en fait écouter du Shifters dans quelques minutes. Juste avant ça, on va aller écouter Lesbo Vrouven avec la pièce Greek Woman. Et dans quelques minutes, on vous donne des billets pour The Shifters. Vous êtes à l'Assemblage Requis au 89.1 FM. La formation montréalaise de Shifters avec la pièce Car Crash in Vegas à Assemblage Hockey. Oui, ils vont être en spectacle le vendredi, cette semaine, le 11 septembre, à la Galerie Laparte, ici à Trois-Rivières. Et si vous voulez aller les voir, appelez-nous tout de suite, je dirais même. Oui, au 819-376-5183. Attendez que je donne le signal officiel, mais c'est 819-376-5183 quand même. Prenez-le en note. Alors que nous, on s'en va en message publicitaire et on revient avec plein d'autres bonnes choses. Oui, suggestions télé, entre autres. Oui. Ah tiens, on vient avec Run Chico Run tout de suite. Ça me tente. Là, de même. Voici Ghetto Tree. 819-376-5183, c'est pour The Shifters avec Rehab for Quitters et 3 Bad Bops, vendredi long. Run, Chico, Run et Ghetto Treat. Assemblage Rocky. Des fois, c'est la vie qui choisit, Mathieu. C'est la vie qui choisit tout, hein? On choisit pas toujours. Ah, mon pauvre Kiwan. T'en as-tu des problèmes dans la vie? C'est la fin de la première heure d'Assemblage Rocky. On en a une deuxième avec des chroniqueurs qui vont se joindre à nous dans quelques minutes. Oui. On va voir François Landry à la politique. On va parler de la campagne publicitaire fédérale. Et on va recevoir aussi Sébastien Dulude avec ses sorties culturelles. Et je vous fais mes suggestions télé. Ça, c'est une bonne raison de rester, hein? C'est fou d'or. Et c'est une page. 89-1-1. Pour toi aujourd'hui, Vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Et Kiwan, il y a d'autres choses qui se passent qu'Assemblage Requis dans les médias. Là, on parle de télé, là. Oui, ben vous savez, à chaque semaine, j'essaie toujours de vous faire mes petites suggestions télé parce que, bon, il n'y a pas juste la radio dans la vie. Donc, je vous suggère justement ce qui... je peux vous parler de ce qui joue présentement. En fait, c'est pas vraiment une suggestion pour que vous alliez le voir. C'est plus parce que vous êtes présentement en train de manquer Top Model. Oh! Donc, je vous fais un petit résumé de ce qui se passe cette semaine à Top Model. En fait, c'est une question que tu te posais justement, Mathieu. Oui. Comment Ashley peut-elle répandre le ragot selon lequel Ridge aurait assassiné Shane? Mais comment va-t-elle faire? C'est toujours dramatique, hein? C'est toujours mélo même, dramatique. Et aussi, Nick panique quand il apprend que la date du procès a été devancée. Phobe apprend que Rick est en train de rôder autour de Forrester. Forrester. Ils ont vraiment des noms typés, là. C'est hallucinant. Ridge, Shane, Rick, Forrester. Je capote. Moi aussi. Mais à part que ça, j'ai une vraie suggestion télé à vous faire. Si vous aimez les documentaires, si vous aimez les documentaires qui portent sur la sociologie, l'anthropologie, la famille particulièrement, il y a une série documentaire qui commence ce soir à Télé-Québec. Ça s'appelle « Toute une famille ». J'ai vu le premier épisode qui joue ce soir. C'est vraiment très, très, très bien fait et puis c'est vraiment intéressant. Juste pour te donner un petit portrait de l'émission de ce soir qui s'appelle « Les colocs » commence avec une petite fille d'à peu près 6-7 ans qui raconte, qui décrit sa famille, ou en fait, j'aimerais plutôt dire sa maisonnée, parce que c'est pas vraiment sa famille. Ça dure à peu près 30 secondes, puis là, elle dit « Ah, une telle, c'est ma sœur, l'autre, c'est mon demi-frère, l'autre, c'est mon coloc, l'autre, c'est le chum du coloc. » Puis là, ça dure à peu près 30 secondes, elle nomme à peu près 25 personnes. Puis ça, c'est le portrait d'une famille qu'ils ont choisi de montrer. C'est le sujet de l'épisode de ce soir qui s'appelle « Les colocs ». C'est finalement plusieurs familles monoparentales qui se sont regroupées dans un même appartement en colocation. Puis là, ben, ils vivent avec les chums, avec les anciens pères, les anciennes mères. Est-ce que c'est des acteurs ou c'est vraiment... Non, c'est vraiment documentaire. Okay. Ouais. Et puis c'est vraiment super bien fait. C'est narré par Yvon Deschamps. C'est une idée originale de Richard Martineau, des Francs-Tireurs. C'est vraiment une très, très bonne série documentaire. En fait, j'ai seulement vu la première, mais ça promet. Je ne sais pas si après ça, les autres vont être avec toujours les mêmes sujets, avec les mêmes personnes, ou après ça, on va changer de type de famille. Mais vraiment, si vous pensez que votre famille est bizarre, là, parce que tu sais, le modèle de famille nucléaire, ça existe. Ça s'est rendu assez rare, là, mais même, je dirais, les familles reconstituées comparées à la famille qu'on voit dans cet épisode-là, c'est banal d'avoir une famille reconstituée. Donc, c'est ça, une série qui explore tous les modèles familiaux aujourd'hui au Québec. C'est pour ceux qui aiment Ramdam aussi. Oui, tout à fait. Et c'est à 19h30 à Télé-Québec ce soir. Voici Black Eyes de Haut Bijou à Assemblage Requis. People Tokyo Police Club et la pièce Your English, English is good. Hey, c'était de la belle, du bel anglais, ça? C'est de la boulette. OK. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour jusqu'à 17h. Kiwan et Mathieu, on est toujours là, mais maintenant, on amène notre ami François Landry qui vient parler de politique, comme à chaque lundi et mercredi. Salut, oui, François. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, la dernière fois, la semaine dernière, dans le fond, j'avais dit que j'étais pour revenir sur la stratégie néo-démocrate en campagne électorale. Là, il n'y a rien de gros qui se précise de ce côté-là. Je vais attendre la semaine prochaine au déclenchement des élections pour voir vraiment la stratégie de Jack Layton. D'ailleurs, on l'a vu dans les sondages parus ce matin à une de la presse. La stratégie de « c'est pas moi qui va déclencher les élections, c'est toi, Harper » ne fonctionne pas. Le parti néo-démocrate. Voilà, les néo-démocrates ont perdu 4 points en un sondage. Donc, 4 points, c'est immense en nombre de votes coast to coast au Canada, là. Donc, on verra si Layton va maintenir cette stratégie de « je fais rien, je bouge pas ». Moi, je pense que Jack Layton, il attendait que tu aies fait ta chronique justement sur la stratégie néo-démocrate avant de l'annoncer. Puis là, vu que tu l'as pas fait, il va être fourré un peu. Ou peut-être qu'il attendait tes conseils. Ouais, il attendait tes conseils. Moi, j'attendais son chèque. OK. Donc, voilà. Donc, Jack, si tu m'écoutes. Donc, oui, cette semaine à la place, j'ai décidé de parler de publicité électorale. On n'est pas encore en campagne, mais... Si on va sur YouTube, si on va dans les journaux, peu importe, la campagne est déjà déclenchée entre les partis. Il y a deux partis qui ont récemment annoncé leur couleur, soit le Bloc québécois hier, qui ont lancé leur campagne visuelle, donc dans les journaux, des grandes affiches à voir partout, et le Parti libéral qui, en fin de semaine, l'a lancé au coût de 2 millions de dollars. Plus de budget, hein? C'est immense comme budget, c'est le plus gros lot d'argent attribué à une campagne électorale. Pré-électoral, ouais. Donc dans l'histoire du Canada, 2 millions de dollars, ça va frapper. Mais est-ce que ça vaut 2 millions de dollars? Et je ne sais pas si vous les avez vus. Allez sur YouTube, tapez Michael Ignatieff. Si vous êtes capable de taper Michael Ignatieff. C'est pas tellement dur. Allez taper PLC à limite. Ouais, c'est ça, ça va être fait. Donc, il y a 3 publicités, 2 en français, 1 en anglais. Les 2 en français ont le mérite au moins d'avancer des raisons concrètes pour justifier la tenue des élections. On voit Michael Ignatieff sur un fond sombre et qui s'adresse directement à la caméra, sans dire qui il est, sans dire pourquoi il est là, rien, juste dire côté déficit, Harper n'a rien fait pendant ses années au pouvoir. Et l'autre publicité, c'est le côté environnement. Il a dit Harper n'a rien fait côté environnement durant ses années au pouvoir. Donc on voit le message est très précis, très clair. Négatif aussi. Négatif, d'accord. Voilà. Négatif, mais pas. Il n'y a pas de benching dessus, il n'y a pas de d'attaque personnelle. Merci pour le beau français. Contrairement à Harper, qui, lui, ces dernières années, s'amuse à plus ou moins piler sur son adversaire, le critiquant, le descendant, le maltraitant. Donc, Ignatieff, lui, qui est un petit peu plus haut au côté intellectuel, dit non, on va s'adresser à la population, on va faire ça softly. On verra Harper ses répliques. Ensuite, je vous dis en français, c'est sur fond sombre, il s'adresse directement à la population, très incisif comme propos. En anglais, si vous êtes capable de toffer de la publicité sans prendre de café, bonne chance, parce que c'est vraiment pitoyable. Le chef libéral se présente d'abord, dès que la publicité commence, il dit « Hi, my name is Michael Ignatieff ». Comme s'il fallait qu'il dise aux gens. Faut qu'il dise au reste du Canada pour dire qui il est, parce qu'il y a juste au Québec qu'on connaît très bien. Le peu qu'on connaît de lui, tandis qu'au Canada anglais, c'est beaucoup plus difficile. Et il tourne autour du pot. On le voit parler dans un paysage bucolique qui ressemble beaucoup au royaume de Narnia. Le film de Walt Disney. Science-fiction. C'est. Il manque juste les fées et les licornes, puis on se croirait vraiment là. Le paysage est affreux pour une publicité préélectorale. Donc, en anglais, c'est ça, dans un décor bucolique, vraiment. Et puis, toute publicité trop négative dans le Canada anglais, c'est pour ça qu'on parlait. Il veut pas trop bâcher sur ses adversaires, parce qu'au Canada anglais, ils ont pas la même mentalité. Faut pas trop critiquer l'adversaire, sinon on est perçu comme étant un cow-boy, un juvénile. Un méchant. Et non pas un politicien. Tandis qu'au Québec, on a une autre culture. C'est pour ça qu'il y a toujours deux campagnes publicitaires au Canada, en français et en anglais. C'est une bonne idée d'adapter à ton public quand même. Ben voilà. C'est pas tant pour la langue qu'il y a vraiment pour l'esprit là, des deux peuples. Exactement, parce qu'au Nouveau-Brunswick, où on sait que les deux peuples sont là, francophones et anglophones, c'est la pub en anglais qui passe, c'est les pubs en français, c'est ceux qui ont Radio-Canada au Québec qui peuvent la synthétiser. Donc c'est vraiment le Québec et le rock, le rest of Canada qui prédomine dans les stratégies. Et aussi pour les slogans, ils sont déjà sortis, je les aime. En français, c'est « Nous méritons mieux ». C'est vraiment un slogan passif. Nous méritons. Ouais. C'est au lieu de dire... On fera rien, nous autres, mais on mériterait mieux que ça. Voilà, voilà. Tandis qu'en anglais, « We can do better ». Donc, nous pouvons faire mieux. Ah! Le « we can do », ça vous rappelle le « yes, we can » de Obama. Oui. Ouais. Donc, Ignatieff a toujours tenté de s'identifier à Barack Obama aux États-Unis. On verra ce que ça va donner côté stratégie, mais je donnerai un point au moins pour le slogan en anglais et moins un pour en français. Donc, zéro. Donc, voilà. Pour le Bloc québécois, comme je disais, ils l'ont dévoilé hier avec un budget beaucoup moindre. Pour l'instant, il n'y a pas de campagne publicitaire sur Internet ou à la télé. À la radio, ça va s'en venir. C'est dans les journaux qu'on pourra l'avoir dès la fin de semaine prochaine. Ils l'ont dévoilé hier dans les médias. L'affiche est belle, très sobre. On voit tout simplement la moitié du visage de Harper et l'autre moitié du visage, celle d'Ignatieff, pour dire que c'est disparu au même. Ouais. Peu importe le politicien, deux chefs, deux partis, un même discours. Le discours, c'est contre le Québec. Donc, le Bloc rappelle qu'il est le seul à pouvoir se tenir debout pour défendre les intérêts du Québec. Donc, lui, DICEP, sa stratégie, c'est d'attaquer les deux partis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Son principal adversaire au Québec, c'est vraiment le Parti libéral. Mm-hmm. Le Parti conservateur, dans les sondages, on voit même sur le terrain, ils ont 10 comtés au Québec sur 75. Les libéraux en ont 17 sur 75. Le principal adversaire politique, c'est Michael Ignatieff. Donc, est-ce qu'il fait bien de s'attaquer et à Harper? Oui, parce que c'est le premier ministre. Donc, c'est lui qu'il faut vraiment... déloger. Voilà. Mais par contre, Ignatieff, est-ce que c'est lui qui va vraiment faire mal au Bloc québécois? Dans certains comtés de Montréal, probablement. Et à Québec, c'est le conservateur qui sont là, mais ça va être un terrain de jeu pour le Bloc québécois. Ce que je trouvais bizarre sur l'affiche sur le site du Parti du Bloc québécois en ce moment, je vois l'affiche avec les deux parties, un regard, les deux faces. Il me semble que celle d'Ignatieff a l'air plus menaçante sur l'affiche. Il me semble que celle de Harper a l'air quasiment sympathique. T'sais. Il y a de l'air sympathique. Oui, mais Harper, c'est un gros joufflu. Un gros mononcle là, qui donne des bonbons. Ignatieff, il a l'air d'un diable. Il a l'air de... Ouais. pas d'un Mr. Burns, là, mais de quelqu'un de. De pas agréable de. Il fait penser à l'acteur qui joue dans les 10 commandements, là, Charlton Heston. Non? Quoique, on pourrait faire un lien facile avec ça. Michael Niassiev, c'est un passionné de hockey 47 et Charlton Heston, président de la National Rifles Association. Association des porteurs d'armes ou peu importe. Ouais, quelque chose de même. Non? Donc, on verra ce que ça va donner aussi pour le côté look de Michael Niassiev. On verra s'il va revêtir des t-shirts pour plaire à la masse populaire et non pas en cravate ou comme on voit souvent les politiciens dans les talk shows arrivant en chemise, décolleté et tout le kit. Là. Très crédible, moi. Il va peut-être se faire percer ou je sais pas, non. Je penserais pas que ça soit dans ses valeurs. Ignatieff, il y a un assez gros sourcil, pas récent. Ouais. Ouais. Donc, pour le NPD, on va attendre. On va savoir s'ils veulent déclencher les élections. Et pour le Parti vert du Canada, on sait qu'eux, la dernière fois, ont fait campagne dans un train pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ouais, ouais. Ça a été quand même un bon coup de pub. Juste pour le message, nous autres, on utilise un train. C'est comme Walmart qui ferme les lumières après 5 heures. Hein. Ça aide vraiment beaucoup. Ça aide beaucoup. Ouais. Oui. Donc, on verra aussi pour les moyens mis à leur disposition dans les prochaines semaines. Et lundi prochain, à ne pas manquer, l'ouverture de la Chambre des communes à Ottawa. Donc, ma prochaine chronique sera justement sur la prochaine session parlementaire. À quoi devrons-nous nous attendre? Mais là, en fait, si le Parti libéral a investi 2 millions pour une campagne publicitaire pré-électorale, on n'est pas mal sûr que ça s'en va en élection. Ils n'ont pas investi 2 millions pour le fun non plus. Là, donc. Non, ça, j'ose espérer. Non, c'est certain. Ignatieff l'a dit à son caucus la semaine dernière, nous allons en élection. Ouais, nous allons tout faire pour faire tomber le gouvernement. La seule chance qu'il n'y ait pas d'élection, c'est si le NPD appuie les conservateurs. Mais le NPD appuyer les conservateurs, c'est comme un partisan des Nordiques appuyer la Coupe Stanley chez le Canadien. Ouais, c'est impossible. Mmh. À moins que Layton ait vraiment peur de perdre ses acquis, ait vraiment, ou Harper mette tellement d'eau dans son vin que ça serait buvable pour le NPD. Mais, ou que comme les Nordiques, il n'y ait plus de NPD un jour. Aussi. C'est peut-être la stratégie de Harper, ça. C'est ça. On verra bien. Merci beaucoup, François Landry. Ça me fait plaisir. Avec sa chronique politique tous les lundis et les mercredis vers les 16h15-20. Bon, c'est quand même. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu. On continue ça en musique avec un petit peu de francophone, un groupe que t'aimes, François. Oui, j'adore. Voici l'immense larme. 2000 monarques. Vous êtes assez fous. Au 89.fm. We'll be right back.

Vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est Kiwan et Mathieu. C'est pas le nom de l'émission, tu me regardes comme si c'était pas Assemblage Requis. Oh, oui, non, tout à fait. Je pensais qu'il y avait un nouveau fond en arrière, mais c'est à la fin de la pub qui finit. Excuse-moi, je te regarderai plus comme ça, Mathieu. T'es donc bien susceptible. Ouais, un peu. Hein. Ça paraît intense. Donc, Assemblage Requis jusqu'à 17h et on accueille Sébastien Dulude. Bonjour Sébastien. Salut, ça va? Oui, ça va bien toi? Oui. Alors, cette semaine, la semaine dernière, je pense que j'avais annoncé que je parlerais du mois de la photo à Montréal. C'est la 11e édition. Je vais en parler, mais assez brièvement, parce que je dois dire que je suis pas super impressionné. L'année passée, ça avait vraiment frappé fort avec l'exposition notamment de Sophie Kahl, qui est une écrivaine, mais qui met toute sa vie en photo et en texte. Et non, il y a vraiment quelque chose dans toute la mouvance de l'autofiction, puis l'impudeur généralisée dans l'art. Ça avait fait bien jaser, puis c'est vraiment très, très bien. Par contre, cette année, les noms sont beaucoup moins familier, là, même aux spécialistes, là, peut-être. Donc déjà, la commissaire invitée, Gaëlle Morel, je la connais pas du tout. Elle a écrit des ouvrages très importants en photographie, notamment là, où les éditions le Larousse, là, dans des trucs quand même, on n'en a pas n'importe qui pour faire ces trucs-là. Par contre, au niveau de la programmation, j'arrive pas à relever quoi que ce soit qui serait pertinent, à part que de lâcher des noms pour absolument rien. Ce qu'on peut dire, par contre, ce qui est intéressant du mois de la photo, qui commence demain, le 10 septembre, pour jusqu'au 11 octobre, c'est le nombre de lieux disponible pour visiter ces installations-là. Il n'y a pas que des lieux d'art. Il y a le Centre canadien d'architecture, j'aime bien aller voir, puis aussi la Fonderie Darling, des lieux comme ça. Donc, au moisdelaphoto.com, vous avez toute cette information-là. C'est à Montréal tout le mois de septembre et début octobre. Donc, j'ai préféré me regrouper autour de la région, de la ville de Trois-Rivières pour ce qu'il y a à faire dans les prochains jours. J'ai pas encore parlé du Zenob ni de ses mercredis de jazz. C'est reparti pour la rentrée. Ça continue. Enfin, ils ont fait aucune relâche depuis, je pense, le mois d'avril. À tous les mercredis, François Boutin, trompettiste, reçoit des invités et c'est toujours absolument excellent. C'est l'endroit jazz, le Zenob, qui reprend tout son capital jazz. Est vraiment un lieu qui s'y prête très, très bien, une espèce de salle de sous-sol qu'on peut imaginer enfumée à une certaine époque où c'était légal. Les courants d'air font en sorte que... Bon, OK. Et puis, donc, François Boutin, cette semaine, reçoit Émilie Marchand, qui est pianiste, mais également chanteuse jazz, Igor Bartula, à la basse, qui est aussi dans Caïman Fou, et Geoffroy Doyon au drum. Et ça, c'est 5$ tous les mercredis, 21h30, et ça va bien passer minuit. Là. Ils font 2-3 sets de jazz et ça rentre. C'est vraiment du très, très, très, très bon jazz. Pas toujours les mêmes pièces, pas toujours les mêmes standards, bien que ça soit évidemment du jazz accessible, rien de free ou de noise ou quoi que ce soit. C'est du bon vieux jazz qui groove avec une couple de balades par-ci, par-là, histoire de bien doser le tempo. François Boutin, on peut vraiment s'y fier en termes de jazz. C'est Monsieur Jazz à Trois-Rivières. Je suis bien content de... en faire un peu de promotion. OK, puis ça s'adresse pas seulement aux initiés. Là. Tu disais que c'était assez accessible quand même si on connaît absolument pas trop le jazz. Là, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça amène au Zenob un paquet de jeunes musiciens du cégep qui, souvent, les musiciens autour de François sont plus jeunes. Et puis là, ils commencent à avoir tout plein. J'ai vu Atomic Baobab vendredi dernier au Zenob, une formation plutôt funk, jazz. Et puis le public était vraiment jeune, mais jeune, le fun, là, pas des casquettes. Puis bon, en tout cas, j'ai rien contre. un vrai public de jazz, des têtes blanches, des madames, des gens cool, des artistes, des jeunes, du monde qui aime la musique, des musiciens aussi. Donc, c'est bon aux jeunes musiciens, des fois, pour rencontrer d'autres gens. Des fois, on veut partir des groupes, on cherche du monde. C'est pas facile. Je peux comprendre qu'est-ce que ça implique. Un endroit où il y a des musiciens, c'est très certainement le mercredi soir au Zenob. Cool. Parlant de jazz, il y a également le Charlot qui remet ça. Ils avaient fait une première tentative samedi dernier, je crois. Oui, c'était le 5. Je n'y étais pas. Mais ils vont faire ça tous les premiers samedis du mois. Il va y avoir du jazz au Charlot. Ça sera Cocktail Molotov pour au moins les trois prochaines éditions, octobre, novembre, décembre. Cocktail Molotov, ils font un funk. Imaginez film de cul des années 70, là, la petite guitare. Mais avec un groove incroyable en arrière. Un super bon bassiste, Philippe Roy, qui est le fondateur fondateur du groupe, et puis Martin Bournival au clavier est hallucinant, ce gars-là, un bon batteur également, c'est pas toujours le même. Donc, Cocktail Molotov, ça c'est du côté du Charlot. Et pourquoi pas continuer un petit peu du côté du Charlot. D'une part, il y a une mauvaise nouvelle pour eux, mais une bonne nouvelle pour les amateurs de Kino 3R. Le Kino part du Charlot et à la dernière minute, hier, on a su que ça se déplaçait à l'Appart, qui est tout près sur la rue Saint-Antoine, au bout de la rue Saint-Antoine. L'Appart qui est bien content d'accueillir les Kino. Ils ont un bel espace pour ça, faut dire. Le projecteur, les grands murs, possibilité d'avoir des groupes de musique, ils sont vraiment bien équipés. Ils sont en train de sérieusement se positionner comme diffuseurs de culture à Trois-Rivières. Ouais, il y a eu un petit conflit d'horreur, je pense, hier, au Charlot. Ouais, j'ai pas suivi la saga. Ouais. Et je suis pas là non plus pour parler des raisons exactement qui motivent tout ça. Tout ce qu'on est sûr, au moins, c'est que pour les gens de Kino, ils ont un lieu. Ils peuvent continuer ces traditionnels deuxième mardi du mois. Ça va se faire à l'Appart maintenant. Exactement, c'est confirmé. Donc, au moins pour l'automne, ça se poursuit du côté de l'Appart. Par contre, au Charlot, donc, ils ont encore leur lot d'activités intéressantes. Il faut se tenir au courant. Ils ont un nouveau site Internet aussi, Le Charlot, avec un trait d'union, le-charlot.info. Et on apprend notamment là-dessus que demain, à 17h, il y a un 5 à 9 de présentation d'un lancement des capsules vidéo. Il était une fois Trois-Rivières. C'est un projet associé au 375e anniversaire de la ville. C'est peut-être le dernier de l'année. On a 10 capsules qui ont été tournés par ces messieurs autour de David Leblanc, Alexandre Dosti, Luc Bourque, qui sont des gens qui ont passé assez fou aussi dans diverses émissions. Oui, des vedettes. Des vedettes, des légendes, c'est fou. Alors qui ont marqué les ondes de façon indélébile. Ouais. Et ils font du très, très, très bon travail en termes de vidéo. Ils ont vraiment la touche. Donc, c'est une série historique à saveur humoristique, toutes sortes de moments importants de l'histoire ou moments moins connus, anecdotiques de l'histoire et du patrimoine de Trois-Rivières. C'est gratuit demain 5h. À 18h, il y a la présentation des capsules. On promet des prix de présence et également une exposition de Benoît Payet, photographe. Très, très bon photographe, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Un trifluvien en exode, évidemment, à Montréal. Il vient de remporter un prix important à Los Angeles pour une de ses photos. Vous pouvez voir ça sur son Flickr, benoitp.com, avec effets spéciaux. Donc, tout ça, c'est demain, jeudi, 17h. Ça, c'est pour le Charlot. La semaine passée, j'avais parlé aussi de septembre, un mois d'art audio qui était en cours et qui se poursuit. Donc, il y a deux événements encore cette semaine, un vendredi, un samedi. Donc, événement d'art audio où on essaie de mettre l'art audio, justement, pour le dire trois fois, à l'honneur dans différents contextes, généralement ludiques, pour permettre vraiment aux gens de toute provenance d'apprécier la musique, mais aussi surtout le son, toute la question de spatialisation du son, expérimentation sur le son aussi. Alain Fleurant propose vendredi le 11, à Presse-Papier, une première de 4 séries d'expositions. Donc, ça va changer à chaque semaine à Presse-Papier. Ça se passe à 20h. Et c'est des expositions d'art visuel intitulées Multipistes qui sont doublées de performances en art audio. Donc, ce vendredi, ce sera Benoît Perrault, Alain Fleurant et moi-même. On va installer des dispositifs sonores dans des espèces de tubes, des haut-parleurs, dans toutes sortes de structures métalliques rondes. Et on va faire vibrer ces choses-là. Donc, ça va être vraiment une expérience de son, mais aussi de fréquence. Et bon, ça, c'est pas un concert qui va s'éterniser non plus. C'est plus de l'ordre de la performance, de l'installation sonore. C'est vendredi à Presse-Papier à 20h. C'est évidemment gratuit. Et le lendemain, toujours dans le mois de septembre, on a une proposition du Marteau Orchestra qui font de la musique de l'espace. Luc Boissonneau, Jean-François Baudet et invité. Projection vidéo et musique de l'espace. Le Sonora Orchestra dans les années 70 ont bien défini le genre de la musique de l'espace. Futuriste. Un peu futuriste, mais un peu jazzy en même temps les bords, avec une vaste dose de kitsch dans tout ça. Donc, le Marteau Orchestra, le ARK, fait référence à Sonora. Et ça, c'est samedi le 12 à Silex. 20h, c'est gratuit. Silex, c'est près de l'ancienne gare, par Frédéric. Près de Champflour, près de Sainte-Julie aussi, donc pas bien loin du Bucafin, par exemple. Et si vous voulez entendre parler un petit peu plus de l'événement septembre, demain, au Dîner de cons, sur l'heure du midi. Exactement, au Dîner de cons, demain, la gang du HIC vont présenter qu'est-ce que c'est, leur mandat, et un peu plus parler de septembre. Et également, pour terminer cette chronique, une autre activité du HIC, c'était le Zombie Walk qui avait lieu samedi dernier. Il y a 40 zombies qui ont déambulé sur la rue des Forges au centre-ville. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup de zombies, beaucoup de faux sang. Et puis, ça a été une belle activité. La police a bien aidé à ce que tout ça manque de pas réussir. Ils ont bien joué leur rôle. Et tout a bien été. Le public a été choqué. Et pendant 5 minutes, ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait avant de repartir dans leur conversation triviale. Et je vous invite à aller sur YouTube pour visionner un excellent petit clip qui a été des tournées. Mm-hmm. Tapez Zombie Walk Trois-Rivières. Il y a le 2007 et le 2009 que je vous invite à visionner pour avoir une idée. Et vous pourrez, qui sait, être vous-même un zombie pour l'édition de l'année prochaine qui n'aura, sans le moindre doute, ne pas avoir lieu. Triple négation, ça veut dire que ça va sûrement avoir lieu l'été prochain. Ouais, ben en tout cas, c'était beau. C'était bien. Et en musique cette semaine, pour se quitter, les garçons, j'ai amené quelque chose qui était à la fois de la musique de l'espace et de la musique de zombies. Je parle des Misfits, Astro Zombie. Merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait plaisir. Au revoir. The Misfits et Astro Zombies à son âge requis. On remercie encore une fois Sébastien Dulude qui va être de retour la semaine prochaine, toujours les mercredis vers les 16h40 pour sa chronique. Va voir ailleurs si j'y suis. Oui, manquez pas aussi son émission les mardis à 18h, c'est Étal Mixte. On retourne encore une fois en musique. Voici Be Your Own Pet et Super Soaked. Super Soaked. C'est Assemblage requis. Au 89 non? Je suis seul là-dedans, moi. Ben oui, c'est au 89 FM. C'est tout de suite dans vos oreilles. Assemblage requis. Yeah! Beer on Pat et Super Soaked. Oui, c'est déjà ce qui met fin à l'émission, ou presque. C'est déjà terminé. Il va y avoir l'Info Campus et puis ensuite, ben, de la bonne musique. C'est fou. Oui, et demain, nous, on retrouve demain à 15h. Et entre autres, demain, on va avoir la visite de Maxime Lemieux-Laramé qui vient nous faire ses suggestions de téléchargement. On va aussi recevoir... ben, en fait, on recevra pas personne d'autre, mais moi, je vais être là. Je vais me recevoir moi-même avec la chronique CNX. Il va y avoir le fil de Nouvelle Geek demain dans CNX. Ça va être super cool. Sinon, plus tard cette semaine, il va aussi y avoir les palmarès C'est fou vendredi soir. Et puis, plein d'autres émissions. Allez voir cifou.ca pour la grille horaire. Kiwant est fin. Toi aussi, Mathieu. Tout le monde est fin, finalement. Tout le monde est gentil. On remercie Sébastien Dulude et François Landry. À demain. Bye, bye. Bye. On se laisse avec Automélodie et la pièce Ciao, ciao, ciao. Je pleure comme si de rien n'était.